نعم بسم الله الرحمن الرحيم طيب يا أخانا إسماعيل سألناك donc إسماعيل on avait posé la question à إسماعيل est-ce qu'on peut affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une limite et أخونا إسماعيل il nous a répondu non car les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont restreints à ce qui est évoqué dans le Coran et dans la Sunna. نعم. فهذا جميل. هذا جميل. لكن الجواب هذا ناقص. Donc ça c'est une bonne réponse de notre frère Ismaïl. Cependant, elle est déficiente. Pourquoi? Parce que la dernière règle dans laquelle on était, on a vu, certes, que les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal ne peuvent se prendre et ne peuvent s'extirper que du Coran et de la Sunna. Taïe. Et on a vu que on ne peut réfuter que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté, tant dans le Coran ou dans la Sunna. Tamam. Ou ce qui contient un sens qui est caduque pour Allah Azza wa Jalla. Taïe. Maintenant, en ce qui concerne les termes qui contiennent un sens qui est plus ou moins plausible ou juste, et en même temps un sens qui est plus ou moins faux ou caduque, comment on doit répondre lorsqu'on est interrogé face à ces termes-là? En l'occurrence, là, le terme que j'ai demandé à Khouna Abu Hudayfa, c'est l'afd al-had, la limite. Tamam? C'est un terme qui est équivoque, qui a un sens juste et qui a un sens faux. Donc là, quand on a un terme qui est équivoque, qu'est-ce qu'on se doit de faire? On se doit de demander des détails à notre interlocuteur, celui qui nous pose la question. Qu'est-ce que tu veux dire par le terme limite? طيب فإن كان يريد بذلك أن الله سبحانه وتعالى عال فوق عرشه بائن عن خلقه فهذا المعنى حق هذا معنى حق نثبته لله عز وجل. Donc si la personne, l'interlocuteur, lorsqu'il nous pose la question au sujet du terme limite, lui il a pour but de dire que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est nullement à l'intérieur de sa création. C'est-à-dire qu'entre lui et sa création, il y a une limite. Donc Allah n'est pas dans sa création. Entre lui et sa création, il y a une limite. Naam, ce sens-là est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, on affirme qu'il est au-dessus de sa création. Il est au-dessus de tout. Et on réfute qu'il soit cerné à l'intérieur de sa création. Naam. Ça, c'est totalement réfutable. Tamam. Donc ce sens-là, du terme limite, est juste. Tamam. Et si toutefois, la personne, elle a pour but que Allah subhanahu wa ta'ala a des limites qui sont délimitées et qui peuvent être cernées par les créatures ou par sa création, alors là, c'est totalement faux. On réfutera de surcroît le terme limite lorsqu'il est employé dans ce sens-là. Naam. Fahimtum ya ikhwan? Vous avez compris, ya ikhwan? Ça, c'est juste un exemple pour vérifier votre bonne compréhension concernant la dernière règle qu'on a vue, qui est la première portant sur les noms et les attributs à la fois. نعم. طيب اليوم القاعدة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف. دون تحريف وعند قوله التحريف، التحريف هو حمل اللفظ على غير ما دل عليه ظاهره بغير دليل، بهذا القيد بغير دليل. نعم. Donc la deuxième règle, elle vise à dire que il est obligatoire et impératif lorsque on est face au texte du Coran et de la Sunna de les laisser aller dans leur sens apparent, dans leur sens apparent, sans jamais les changer ou les dévier de leur sens apparent. Voyez, le mot tahrif, le mot tahrif, ce qu'on pourrait dire changement ou déviation, c'est-à-dire lorsque on change le sens premier, de le sens apparent du verset ou du hadith sans le moindre dalil, sans le moindre dalil ou sans le moindre indice qui peut amener à ce changement-là. Donc si on change le sens apparent d'un texte sans le moindre dalil, alors ça s'appelle du tahrif. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en arabe du tahrif. Mais si on change le sens apparent, ou on le dévie pour aller vers un sens autre que le sens apparent, avec un indice ou avec un dalil, alors là, ce ne sera plus du tahrif, mais c'est ce qu'on appelle du ta'wil. Ta'wil sa'ir. Ou sahih. Ce sera une interprétation qui est juste. Tamam. Donc la règle, elle vise à dire que les textes du Coran et de la Sunna doivent être laissés dans leur sens apparent et ne doivent être en aucun cas détournés de leur sens apparent. La siyama nusus sifat. Et surtout les textes concernant les attributs d'Allah. حيث لا مجال للرأي فيها. Car il n'y a aucune place pour la raison dans ce sujet, c'est-à-dire en ce qui concerne les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Tamam. وهناك فائدة استفدناها من شيخ سعيد بن الدعاس وهي فائدة غالية نفيسة. يقول فيما معنى كلامه أن نصوص الكتاب والسنة دلالتها تختلف. Donc là, je vais vous évoquer une faïda, une leçon à tirer qu'on a pris des cours de Cheikh Saïd ibn Da'as, un des chouyours du Yémen qui a été injustement tué il y a de cela maintenant quelques années. Ana sallallahu an yarhama. Donc, il dit selon, en guise de résumé, il te dit que les textes du Coran et de la Sunna, en termes d'indication, divergent. Ça veut dire, tantôt, فَمِنْ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ وَالسُنَّةِ مَا هُوَ نَصْ. Tantôt, on va trouver des textes du Coran et de la Sunna qui ont une indication claire et unique, nas, qui ont une indication claire et précise. Hein? On va trouver dans des textes du Coran et de la Sunna qu'ils ont une indication claire et précise, ce qu'on appelle nas. يعني يدل على معنى من غير احتمال. C'est-à-dire, c'est des textes qui indiquent un sens sans la moindre supposition. Un sens précis sans qu'on puisse supposer autre chose. Sans que l'on puisse supposer autre chose. نعم. مثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au sujet de ceux qui n'ont pas les moyens d'égorger la bête lors du Hajj, il dit qu'ils doivent jeûner 3 jours à Mecca et 7 lorsqu'ils reviennent chez eux. Il dit que ça fera en tout 10 jours. Ça fera en tout 10 jours complets. Le terme 10 jours, il ne peut pas sous-entendre un autre sens. On ne peut pas dire ouais, il voulait dire 9. On ne peut pas dire non, il voulait dire 15. On ne peut pas dire non, il voulait dire 20. Non, il a dit 10 et 10. Ça ne sous-entend pas un autre sens. Donc ça, c'est un exemple de textes qui sont précis et qui ne sous-entendent aucun autre sens. Ce qu'on appelle nas. Naam. ومن نصوص القرآن والسنة ما دلالتها دلالة مجملة. Et il y a parmi les textes de la Sunna et du Coran et de la Sunna des textes qui ont une indication équivoque. Des textes qui ont une indication équivoque. يعني تدل على معنيين فأكثر على حد متساو. C'est-à-dire c'est des textes qui peuvent indiquer deux sens. C'est des textes ou des termes qui peuvent indiquer deux sens et d'une manière égale, d'une manière équitable. Il n'y a aucun des sens qui, en soi, prévaut sur l'autre, yani, sans l'apparition d'un quelconque indice. Un exemple, matalan, ma'ada. ايش من الامثال مثلا ايوه نعم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ان اكزامبل لو فيرسي والله سبحانه وتعالى دي اي لي فام ديفورسي doivent rester dans leur période de viduité durant ثلاثه قروء durant ثلاثه قروء والقرء في اللغة تطلق على الحيض وعلى الطهر. Et le mot قر employé dans ce verset, linguistiquement parlant, on l'utilise à la fois pour désigner les menstrues et à la fois pour désigner la période de fin de menstrues. La période de fin de menstrues. Tamam? Donc là, ce serait un texte qu'on appelle Mujmal. Et c'est la sunna qui est venue, c'est un autre hadith qui est venu nous expliquer le but visé ou quel est le sens qui prenait le dessus sur l'autre. En l'occurrence, les menstrues. Al-Qur, le but visé, ce sont les menstrues. 3 périodes de menstrues. نعم على خلاف فيما أو plutôt الطهر عفوا الطهر عفوا mais plutôt la période يعني dans le verset القرء ce sera madame la période de purification. Le but visé sera la période de purification des menstrues. نعم. Donc 3 périodes où la femme se purifie des menstrues. À partir de ces 3 périodes-là, khalas, elle a terminé sa période de viduité. Tamam. Donc ça, c'est un exemple de termes qui sont considérés comme équivoques. Naam. Taïb. Qui sont considérés comme équivoques. Mais qui restent dans la compréhension arabe. C'est-à-dire en arabe, oui, en arabe, c'est des termes qu'on peut employer dans tel sens ou d'un autre. Il ne faut pas venir avec des choses qui, à la base, dans les fondements de la langue arabe, ça ne se trouve pas. Naam. Tamam. طيب. ومنها ما دلالته ظاهرة وهي الألفاظ التي كثر استعمالها وغلب استعمالها في معنى حتى صار هذا المعنى الذي يتبادر إلى ذهن، يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق. نعم. Donc ensuite, il te dit qu'il y a aussi des textes du Coran et de la Sunna qui ont une indication apparente. Qu'est-ce que ça signifie, une indication apparente? C'est-à-dire, la plupart du temps, quand on utilise ces termes-là, on les utilise dans un terme pour un sens précis. Pour un sens précis. À tel point que, lorsqu'on va utiliser ce terme-là, la première des choses qui va nous venir à l'esprit, c'est le sens apparent. C'est le sens apparent. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si je vous dis Ra'aytu himaran, j'ai vu un âne. Si je vous dis j'ai vu un âne, le mot himar, le terme âne, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est cet animal domestique. C'est l'animal domestique. Naam. Pourquoi? Parce que, la plupart du temps, quand on emploie ce terme-là, c'est pour indiquer ce sens-là. La plupart du temps, quand on emploie ce terme-là, c'est pour indiquer l'animal domestique. Tamam. Donc, le sens apparent, c'est l'animal domestique. Lorsque il n'y a pas d'autre indice. Tamam. نعم مع أن اللفظ مع أن اللفظ هذا قد يستخدم في أحوال نادرة في غير هذا المعنى نعم donc les paroles les termes qu'on considère comme étant apparents qu'on prend dont on prend le sens apparent ce sont les termes qui sont souvent utilisés pour un sens précis. Donc le sens précis là, ce sera le terme apparent. Mais tout en sachant que ce même terme peut avoir un autre sens qui n'est pas le sens apparent. Toujours en prenant l'exemple du himar. Si je vous dis Ra'aytu himaran la yuhsinu al-imla ou la yuhsinu al-kitaba. Si je vous dis, j'ai vu un âne qui ne sait pas écrire. Si je vous dis, j'ai vu un âne qui ne sait pas écrire. Tamam. Là, lorsque je vous dis ce genre de terme, vous n'allez pas le prendre dans le sens apparent. Vous n'allez pas prendre la parole ou mon expression dans son sens apparent. Pourquoi? Parce que là, vous avez un indice qui vous montre que le sens apparent n'est pas le but visé. Tamam. C'est quoi cet indice? C'est Al-Kitab. Tout le monde sait que l'âne ne peut pas écrire. C'est un animal. Il ne peut pas écrire. Donc le but visé n'est pas l'animal domestique, mais Al-Rajul Al-Balid. Al-Rajul Al-Balid. Al-Ladhi La Yafham. Mais c'est le but visé, c'est la personne idiote. La personne idiote ou bête. Celle qui ne comprend pas. نعم. طيب فاللفظ الظاهر هو الذي كثر استعماله في معنى معين بحيث أن اللفظ عند الإطلاق يتبادر منه إلى هذا المعنى الذي كثر استعمال اللفظ فيه وإن كان يستعمل في غير هذا المعنى إلا أنه استعمال نادر قليل لا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل. نعم. Donc c'est ce qu'on appelle le sens apparent d'un terme, c'est lorsque se multiplie l'utilisation de ce terme pour un sens précis. Donc plus les gens ont multiplié l'utilisation de ce terme-là pour un sens précis, voilà que ce sens précis-là sera pour nous le sens apparent. Le sens apparent. Donc, et on ne peut pas quitter, on ne peut pas partir du sens apparent vers l'autre sens, hein, si ce n'est avec un indice ou une preuve. Si ce n'est avec un indice ou une preuve. Et donc, si on n'a pas d'indice et on n'a pas de preuve, alors là, on revient sur cette qaïda. Wajaba fi al-wajib fi nusus al-Qur'an wa sunna ijra'uha ala zahiriha. Tamam? Naam. Donc ça, c'est des fawaïd de Cheikh Saïd qui en général se trouvent dans les kutub de usul. Dans les kutub de usul. Naam. Wa nusus al-asma'i wa sifat la takhruj an kawniha imma nass au zahir al-dalal. Et en ce qui concerne les textes portant sur les noms et les attributs, ils ne sortent pas de deux choses. Soit ils indiquent un sens précis qui ne sous-entend aucune autre supposition, ou soit ils ont une indication apparente, qui porte sur des sens apparents. Qui porte sur des sens apparents. Un exemple, ya ikhwan. Waja'a rabbuk. Waja'a rabbuk. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et lorsque vient ton Seigneur, et lorsque vient ton Seigneur. Kalimat ja'a fi'lun. Hein? Fa huwa min al-awsaf al-fi'liyya. Sifatun fi'liyya. Le verbe venir, c'est une caractéristique qui indique une action, le fait de venir. Taïb, hadihi, on, si, yani, est-ce que c'est un nas, ou est-ce que, maintenant, elle a plusieurs sens? Est-ce que cette expression-là est une expression qui ne sous-entend aucune autre, ou est-ce que Mada elle a plusieurs sciences? Qui peut répondre, Juan? Lorsqu'on dit Ja'a Rabbuk, est-ce que cela est une expression? Bon, on reste dans la langue arabe, hein, même si vous voulez dans la langue française. Ça va? Est-ce que c'est une expression qui a plusieurs sens, où on peut extirper plusieurs sens, ou bien elle a un seul et unique sens, pas d'autre? Vous avez compris ma question, Erwan? طيب أبو حنيفة يدي ان سنس طيب ان سنس عند أبي حنيفة طيب يا إسماعيل الآن أنت معي لو قلت si par exemple on est en temps de guerre hein? On est en temps de guerre moi je me trouve en France مثلا. Et l'armée du roi Intel arrive jusqu'aux portes de Paris, maintenant. Je dis, voilà le roi Intel. Ça se dit ou là, ça se dit pas? Hein? Ça se dit ou ça se dit pas, Yann? Lorsque je dis le roi est venu, hein? Voici le roi en temps de guerre, une armée qui combat une autre, L'armée du roi arrive. Lorsque les gens aperçoivent cette armée-là, ils disent, le roi des Francs, par exemple, est arrivé. Tamam? هذا يقال هذا يقال وإن لم يأتي الملك. Et ça, c'est une expression qui se dit même si le roi n'est pas venu. Et qu'en vérité, ce sont ces soldats qui sont venus. Tamam? Cela se dit même si madame le roi n'est pas venu et ce sont que ses soldats. Tamam. Donc là, qu'est-ce qui nous ferait partir vers le sens yani, qu'est-ce qui nous ferait quitter le sens apparent que le roi est venu, hein, vers le fait que c'est ce soldat qui sont venus et pas lui-même. Un indice dans le contexte ou un indice dans la phrase. Par exemple, yani, l'armée, le roi est venu, par exemple, madame, avec les glaives. Le roi est venu avec les glaives. Tamam. Le roi est venu avec les glaives. Les glaives, là, ça peut être un indice qui indique que c'est pas le roi qui est venu en personne, mais c'est ses soldats. Tamam. Je sais pas si c'est bien clair, Yahuan. C'est juste pour vous faire comprendre ce qu'on appelle le sens apparent. Le sens apparent des textes. Tamam. À la kulli hal, j'espère que c'est compris. Non. Donc, lorsqu'on a un texte dont le sens apparent est non limité, c'est-à-dire par un quelconque dalil ou un quelconque indice, on se doit de le laisser dans son sens apparent. Ja Rabbuk, lorsqu'Allah il dit qu'il est ton Seigneur et ton Seigneur viendra ou il est venu. Ça, on se doit de le laisser dans le sens apparent. On va pas dans une quelconque interprétation sans le moindre dalil. À dire, ce sont les malaïkas qui sont venus, c'est la miséricorde d'Allah qui est venue, ou autre. Non, nous, on va pas dans cette bêbe-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun dalil, aucun indice qui montre qu'on doit se tourner, on se doit se détourner du sens apparent vers le sens qu'il est moins. Tamam? طيب, on revient sur la parole de Mada, de l'imam. طيب, القاعدة الثانية الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها ودليل ذلك السمع والعقل. Donc, et le dalil en soi, la preuve en soi affirmant cette règle et ce que l'on prend de l'écoute, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna, ainsi que ce que nous indique le rationnel. Ce que nous indique le rationnel, c'est-à-dire notre raison. En ce qui concerne l'écoute, l'audition, c'est-à-dire le Coran ou la Sunna, il y a le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, est descendu sur toi, ou est descendu avec celui-ci, c'est-à-dire avec le Coran, Ruhul Amin, l'esprit de confiance, l'esprit, c'est-à-dire Jibril. Naam. Il est venu, il a descendu sur ton cœur ou dans ton cœur pour que tu sois parmi les avertisseurs. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa hadha huwa ash-shahid. Bilisanin arabiyyin mubin. Mubin. Wal bayan ya ikhwan al bayan la yahsul illa bima dalalatuhu nasiyyah aw zahira. Fala yaqa'u al bayan bil mujmal. Tamam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est venu, il est en langue arabe, c'est-à-dire le Coran est en langue arabe explicite, claire. Et le mot explicite, c'est ce qui nous intéresse dans cette partie du verset, et ce qui appuie, et ce qui prouve cette règle qu'a évoquée le Cheikh Al-Uthaymeen, parce que un livre considéré comme explicite, ça sous-entend forcément que son indication est précise ou apparente. Et en aucun cas, les indications se trouvant dans ce livre-là sont équivoques. Sont équivoques. Ou ont été laissées d'une manière équivoque. Naam. Tamam. Wa qawluhu inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kadhalika, la'allakum ta'qilun, ay tafhamun, wa la yahsul al-fahm. إلا بالألفاظ المبينة الواضحة الدلالة سواء كانت نصية أو ظاهرة. طيب. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et il a fait descendre, إِنَّا أَنزَلْنَاهُ. Certes, nous l'avons fait descendre comme étant un Coran arabe, peut-être résonneront-ils. Peut-être raisonneront-ils ou raisonnerez-vous-t-il raisonnerez-vous madame raisonnerez-vous طيب لعلكم تعقلون ou peut-être réfléchirez-vous ou raisonnerez-vous donc نعم هذا احسن. Pareil, le fait de raisonner, le raisonnement ne peut, ne peut être acté ou avoir lieu que lorsqu'on est face à des termes qui sont précis et clairs ou apparents. Non. وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Et dans l'autre verset, la même chose, nous avons fait de ce Coran un Coran arabe, peut-être arriverez-vous à raisonner. وهذا قال الشيخ العثيمين وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. Donc cela indique qu'il est obligatoire de comprendre le Coran et la Sunna dans ce qui nous apparaît de ce que sous-entend les termes ou la selon la compréhension arabe, selon la langue arabe. On se doit de prendre les textes dans leur sens apparent en conformité avec la langue arabe. Sauf si il y a un quelconque dalil qui nous montre qu'on doit comprendre d'un autre sens. Un autre dalil légiféré qui nous montre ou qui nous indique que l'on doit comprendre ce sens, ce terme d'un autre sens. Naam. Et comme on a dit, ça c'est ce qu'on appelle le ta'wil as-sahih. Naam. L'interprétation juste. طيب. وقدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم بتحريفهم من ابعد الناس على الايمان. Et Allah subhanahu wa ta'ala a certes blâmé les juifs pour avoir modifié le sens apparent des textes, et il a éclairci et expliqué que de par la cause de leur changement et de leur déviation, ils sont devenus les personnes les plus loin, les plus éloignées de la foi. فقال الله عز وجل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. Et parmi ceux qui ont cru, ou parmi ceux qui ont adopté le judaïsme, parmi ceux qui ont adopté le judaïsme, il y a eu ceux qui ont dévié l'essence apparent de leur endroit. Ils ont dévié l'essence, ils ont changé les mots de leur place. En disant nous avons entendu et nous avons désobéi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les juifs pour cela. Wa amma al-aql fali anna al-mutakallima bi hadhihi an-nusus a'lamu bi muradihi min ghayrihi wa qad khatabana bil lisan al-arabiy al-mubin fawajaba qabuluhu 'ala zahirihi wa illa lakhtalafat al-ara' wa tafarraqat al-umma. Et aussi, donc là, après avoir évoqué les preuves du Coran, il évoque aussi la preuve rationnelle, c'est-à-dire que ce Coran ou ces textes, proviennent, لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمْ بِهَذِهِ النُّصُوصِ أَعْلَمْ, c'est-à-dire le Coran, ou celui qui parle avec ces textes-là, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, est bien plus connaisseur qu'autrui des sens que recèlent ces paroles-là. Et il nous a parlé dans une langue arabe pure et explicite. Donc on se doit d'accepter cette langue-là, d'accepter ces termes et ces expressions dans leur sens apparent. Sinon, on aurait diverses opinions dans un seul verset, dans un seul terme. On aurait diverses opinion et la communauté se serait divisée. Et c'est pourquoi on voit que Ahl al-Bida', les gens de l'innovation, lorsqu'ils arrivent dans les sujets des noms et des attributs, ils divergent. Alors tu vas en trouver tantôt qui vont dire yani bal yadahu mabsutatan, il y en a au sujet du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit certes ses deux mains sont ouvertes. Ces deux mains, les deux mains d'Allah Azza wa Jalla sont ouvertes, sont étendues. Ils vont te dire, ce n'est pas les deux mains, ce sont la miséricorde. Ce n'est pas ces deux mains, ce sont ses bienfaits. Donc chacun il va venir avec son opinion, chacun il va venir avec... Et vous allez voir qu'ils sont les plus divisés. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne médite donc pas sur le Coran. Si celui-ci proviendrait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé d'énormes contradictions. Et les contradictions indiquent à la façade du madhab. Et les contradictions en général indiquent la perversité de l'école ou de la voie suivie. Na'am. Naktafi bi hadha al-qadr inshallah. Et à des درس. On va s'arrêter là pour ce درس.